Qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure? C'était une fête à la maison. Thank you.

Philippe, tu connais ça? Toi, pas parler bien français, hein? Toi, roumain, toi, roumanie. je mets toujours les mêmes rythmes. Ta gueule le batteur, ta gueule. Chut.